Les médias étrangers font part spécialement de la catastrophe politique causée par la bande de Bakouné en Corée du Sud. Sous le titre « La destitution de Bakouné est inévitable », Bakouné a déjà perdu sa dignité morale et devenu présidente à l'état végétatif et autres, la radio russe Sputnik, le quotidien du peuple et le journal nouvelle de la planète de Chine, le journal turc Hürriyet Daily News, l'AP, le New York Times et le Washington Post des États-Unis et le journal britannique Financial Times ont rapporté que Bakouné, fille du dictateur militaire, est dans la pire crise politique. Par ailleurs, dans une interview avec l'agence de presse Lia Novosti, le directeur du Centre d'études de la Corée de l'Institut du problème de l'Extrême-Orient de l'Académie des sciences de Russie a dit que Bakouné ne pourra éviter une fin sérieuse. Un professeur d'université de Russie a souligné dans une interview avec le journal Kommersant que Bakouné est tout proche de la fin.